Notre vie nidile, être près de toi dans un web paisible. Profiter de slow time tranquille, moi et toi on serait invincible. Je voudrais te construire le plus majestueux de tous les palais. Des colonnes d'or qui soutiendraient notre amour élevé. Jardin jeune au cœur glacé, toi la fille qui l'a fait fondre. Avril 2006, tu m'as sorti de l'ombre, sera avec toi jusqu'à la tombe. Je ne jure que par tes yeux, les miens en sont devenus fous amoureux. Les ouvrir avec toi, les fermer avec toi, je vois la vie en bleu. Mais comment résister à ce petit bout de femme enchantée? Comment expliquer au fond sa boue, cette flamme qui m'a brûlé? Tu as débarqué dans ma vie comme une étoile file dans la nuit. Parmi des milliards, mais rassure toi la plus belle vue d'ici. Des beaux moments, nos belles moments, mais au fond pour nous on n'a pas le temps. Croquons la vie à pleines dents, vivons ensemble nos 21 printemps. Mais je suis absent, pas souvent à ton écoute, tu éprouves des doutes. Malgré ça tu tiens bout, mon amour je te jure, crois-moi de toi je suis. La vie sans toi je pourrais pas, toi loin de moi je pourrais pas. Je veux sentir ton odeur, ton souffle, ton corps, croisant les doigts. Pour une vie sans histoire, pour un avenir à trois. La vie sans toi je pourrais pas, toi loin de moi je pourrais pas. La vie sans toi je pourrais pas, toi loin de moi je pourrais pas. Je veux sentir ton odeur, ton souffle, ton corps, croisant les doigts. Pour une vie sans histoire, pour un avenir à toi. La vie sans toi je pourrais pas, toi loin de moi je pourrais pas. Tu m'as connu jeune et con, ta confiance s'est écroulée comme un pont. Un pardon, je le mérite pas, et me quitter aurait pu être ton premier choix. Tu m'as redonné la main quand d'autres me l'auraient jeté à la figure. Tu m'as pardonné comme un saint, un homme qui au nom de Dieu parjure. J'ai pas pris soin de notre relation, je veux plus tes désillusions. T'es la femme de ma vie, un modèle dont t'es la première à qui je fais allusion. 2 ans après la chimie de nos aides s'est construite dans une dalle de béton qui pourra jamais être détruite. Alors je range ma fierté, le temps de 16, de 8 pour exprimer que je t'aimerai pour des années, que je te vois comme à moitié. Même si j'ai pas les coffres d'un héros, je deviendrai super papa. Tu sais, j'ai le cœur. Je suis l'œuf de toi et je le nie pas. On a les mêmes tics, les mêmes tocs comme toi. Je me ronge des ongles, des ondes de joie, d'amour, de bonheur avec lesquelles j'éponge le monde. Notre route est faite d'étapes, d'embûches et d'obstacles. De ligne droite, un enfant de toi, tu m'épates. Alors à deux passons ce cap. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi loin de moi, je pourrais pas. Je veux sentir ton odeur, ton souffle, ton corps, croisant les doigts. Pour une vie sans histoire, pour un avenir à trois. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi loin de moi, je pourrais pas. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi loin de moi, je pourrais pas. Je veux sentir ton odeur, ton souffle, ton corps, croisant les doigts. Pour une vie sans histoire, pour un avenir à trois. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi loin de moi, je pourrais pas. Sur notre futur, j'y mise tout. Notre complicité, notre atout. Nous tout fait un, c'est tout ou rien. Et jusqu'au bout, prendre son mal en patience. Je sais le temps et la distance. Certains ont plus de chance, mais sont ensemble sans en prendre conscience. Chaque moment passé avec toi est une source de lumière, une source de bien-être. Hermès qui agit plus vite que l'éclair. J'ai du mal à mettre à nu. Texte pas aussi profond que tu l'aurais cru. Tu le sais, au fond, je suis perdu. Alors laisse-moi devenir ton détenu. J'ai l'amour au bout des dents et ton aura est un aimant. Laisse-moi te bercer sur ce voilier musical où ma voix est vent. Le mic ne trompe pas. Derrière ma puce, c'est vraiment moi. Un bâtiment de sentiments que même l'apocalypse n'effondrera pas. T'as vu, pour une fois, j'ai pris le temps de gratter, de me poser, d'exposer ma vie avec toi parce que j'ai le plus concret de papier. PS, c'est pas dans mes habitudes, mais pour une fois, l'amour est thème. Du fond de mon cœur, ma petite femme, je t'aime. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi, loin de moi, je pourrais pas. Je veux sentir ton odeur, ton souffle, ton corps, croisant les doigts. Pour une vie sans histoire, pour un avenir à trois. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi, loin de moi, je pourrais pas. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi, loin de moi, je pourrais pas. Je veux sentir ton odeur, ton souffle, ton corps, croisant les doigts. Pour une vie sans histoire, pour un avenir à trois. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi, loin de moi, je pourrais pas. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi, loin de moi, je pourrais pas. Je veux sentir ton odeur, ton souffle, ton corps, croisant les doigts. Pour une vie sans histoire, pour un avenir à trois. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi, loin de moi, je pourrais pas. La vie sans toi, je pourrais pas. Toi, loin de moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. Thank you.